Portrait d'assaut sur Fadjet. L'harmonie nancéenne fête ses 130 ans cette année avec un concert exceptionnel. Ce sera ce dimanche 24 mars, salle Poirel à Nancy. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Erwan Corvelaire, bonjour. Bonjour. Un des deux chefs de l'harmonie nancéenne et René Génin, bonjour. Bonjour. Qui est musicien. On a aussi en studio Tristan. Bonjour Tristan. Bonjour. Qui est en stage à Fadjet et le hasard fait que tu as fait partie d'une harmonie aussi. Pas la nancéenne, mais oui, de plusieurs. Voilà. Une harmonie déjà, c'est quoi une harmonie? C'est une formation musicale composée d'instruments avant. La différence à un orchestre symphonique, c'est que nous n'avons pas de cordes, excepté quelquefois le piano, mais ça ne fait pas partie des cordes. Et cette formation est souvent liée à des activités municipales. C'est souvent les municipalités qui finance ce genre de choses, l'école de musique, et puis au début de son existence, puisque vous me donnez la parole, j'en profite pour vous parler de l'historique. 130 ans quand même, ça crée histoire. 130 ans, ça commence à jouer, oui. À cette époque, en 1894, la plupart du temps, c'était des industries qui avaient leur propre harmonie et qui se mettaient en œuvre sous l'impulsion des directeurs de ces industries. 1894, vous la connaissez depuis quand, René Genet? Moi, je la connais depuis 98, donc ça fait 26 ans. Et avec un rôle de musicien aussi dans l'harmonie, vous jouez de quoi? Je joue du tuba. Et Erwan Corvelaire, vous la connaissez depuis longtemps? Alors moi, je suis co-directeur musical de l'harmonie depuis 2 ans maintenant. Hein. Alors, je ne suis pas à Nancy depuis 1998 déjà, donc voilà, je suis plus fraîchement arrivé en région Lorraine. Je suis originaire de Bretagne, comme mon prénom peut l'indiquer d'ailleurs. Effectivement, ça fait plus de 2 ans que je suis dans cette harmonie. Et donc, je rejoins René effectivement sur l'histoire un peu des harmonies et puis sur cette institution qu'est l'harmonie nancéenne. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de formations à Nancy qui peuvent se prévaloir d'exister depuis 130 ans. C'est aussi un concert qui, pour nous tient forcément très à cœur. Donc c'est ce dimanche 24 mars, la salle Poirel, un lieu que vous connaissez déjà, vous avez déjà fait des concerts dans cette salle? Oh, que oui, pratiquement depuis l'existence de l'harmonie, la salle Poirel nous a toujours été réservée une fois par an, et gracieusement, considérant le fait qu'une des activités de l'harmonie est de proposer des concerts gratuits, ce qui n'est pas toujours le cas des concerts qui se passent à la salle Poirel, bien entendu. Et nous tenons beaucoup à cette notion de gratuité pour récompenser en quelque sorte notre public qui nous est évidemment fidèle. C'est quand même pas courant de trouver un spectacle gratuit salle Poirel, donc c'est quand même intéressant de le signaler, d'autant plus que l'entrée est libre, il n'y a pas de réservation possible. C'est sans réservation, et donc les gens, quand ils rentrent, on fait circuler les corbeilles, les gens peuvent me donner un petit peu ce qu'ils veulent. C'est un peu comme la quête à l'église, hein, c'est un peu le même principe. Certains plaisantins disent souvent entrée gratuite et puis sortie payante. C'est évidemment une blague, mais voilà, oui, effectivement, comme dit René, on tient beaucoup à ce principe de gratuité, parce que on considère que notre travail doit être accessible à tous. On a un public qui apparemment nous est assez fidèle, nous suit depuis assez longtemps et est très habitué justement à ces concerts en libre accès, sachant que c'est un des gros concerts de l'année, mais on fait aussi tout un programme durant l'année. On joue régulièrement au Parc Sainte-Marie, on joue régulièrement au Parc de la Pépinière, on joue régulièrement dans la grande salle de la mairie pour les concerts de Noël. On ne joue pas que à Nancy aussi, hein, on joue aussi à Vendeuvre, à Jarville, à Séchamps. Vous aurez même un concert à Saint-Dié, prochainement le 13 avril, on y reviendra. Quel est le profil des musiciens qu'on pourra entendre ce dimanche jouer à la salle Poirel? Il y aura de tout. Le noyau dur de l'harmonie sont des amateurs, des gens qui font un travail à côté et puis font de la musique pour leur plaisir. Et puis, comme on répète dans des locaux juste à côté du conservatoire de Nancy, on arrive souvent à attirer des étudiants du conservatoire de Nancy qui viennent jouer avec nous. Ça leur fait une expérience de l'orchestre. C'est une occasion pour eux de se faire plaisir et puis aussi de peaufiner leur jeu instrumental. Là, pour ce concert de Poirel notamment, on travaille avec un compositeur pour une création musicale. Donc c'est une œuvre qui n'a jamais été jouée, qui a été écrite spécialement pour nous. On est très honorés. Ah oui. Le compositeur s'appelle Louis Valin, il est étudiant au CNSM de Lyon. Pour lui, c'est l'occasion justement de se confronter au travail avec un orchestre. Et c'est une œuvre pour solistes. Il y a 3 solistes accompagnés par l'orchestre. Jean-Martin Alephonium qui vient de réussir le concours du CNSM de Paris. C'est l'occasion pour lui justement de se confronter au solo en concert. On a Luisa d'Entresangle qui sera au vibraphone. Pareil, elle est candidate au CRR de Paris. On espère qu'elle va intégrer. C'est une expérience professionnelle. On a également Idriss Steinmetz qui sera à la flûte, qui lui est un membre plus ancien de notre harmonie, hein, qui joue depuis longtemps avec nous, qui est en cycle pré-professionnel conservatoire. On a souvent aussi quelques renforts de musiciens qui viennent profiter de l'occasion pour faire les dernières répétitions et nous renforcer pour le concert. Mais c'est vrai que sinon le noyau noyau dur est un noyau amateur. Combien de musiciens on retrouvera sur scène d'ailleurs ce dimanche à peu près? Une petite trentaine, considérant que le noyau dur de l'harmonie tourne autour de 25 à peu près. Et cette mixité de profils différents, semi-pro, d'amateur, c'est ce qui fait peut-être aussi le succès et la réussite de l'harmonie nancéenne? En réalité, le niveau demandé pour entrer à l'harmonie est, je dirais presque, le niveau zéro, parce que une des vocations de l'harmonie aussi est de faire de la pédagogie, donc d'apprendre la musique, d'apprendre le solfège. Les cours ne sont pas donnés officiellement comme dans un conservatoire, mais c'est une des préoccupations de l'harmonie, c'est de faire progresser chacun de ses membres. Il n'y a pas d'examen d'entrée. On commence un instrument, on vient en jouer avec nous, on a par exemple quelques musiciens justement qui viennent de démarrer leur instrument, ils prennent leur cours à côté, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'ils se forment un petit peu. On ne réclame pas de niveau, ils font dans la mesure de leurs moyens, parce qu'ils ne peuvent peut-être pas forcément tout jouer. On accepte par définition un peu tous les volontaires. Pour ce concert du 24 mars, pour certains des musiciens, ce sera une première sur scène, au moins dans cette ampleur? Je ne peux pas le certifier, mais ce n'est pas impossible. Il y a toujours un premier concert qui existe quand on est musicien, quand on se produit. Souvent, c'est source d'angoisse. Oui, j'imagine. On appelle le trac, tout simplement. Bon, qui ne disparaît jamais complètement non plus, d'ailleurs. Faut bien avouer. Bien sûr. Pour tout le monde, que ce soit du chef au modeste musicien, le trac existe toujours. Bon. Même pour le chef, alors? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, le premier concert à Poirel que j'ai fait l'année dernière, c'était avec l'harmonie nancéenne. J'avoue qu'une demi-heure avant le concert, effectivement, le trac était bien présent. Alors, c'était pas mon premier concert en tant que chef d'orchestre, mais c'est vrai que c'était quelque chose. Voilà, jouer salle Poirel, c'est pas le genre de choses qu'on fait tous les dimanches. Il y a le poids de la salle et de l'histoire. Voilà, c'est ça. Toute une ambiance, toute une atmosphère, c'est assez différent. Mais bon, je crois que ça s'est globalement assez bien passé. Et puis bon, bah là maintenant, j'aborde ça de façon un petit peu plus sereine aujourd'hui. Je vous répondrai définitivement dimanche prochain, une fois que le concert sera passé. Il y a forcément toujours un facteur stress, mais c'est aussi ce facteur stress qui fait la beauté du sport. On a cette tension juste avant le concert, on donne tout ce qu'on a, et puis à la fin, ça s'est bien passé, on est content. Dimanche 24 mars, c'est à partir de 15h30, salle Poirel. Vous avez dit qu'il y avait une création, quelque chose qu'on n'aura jamais entendu, mais pour le reste du programme, qu'est-ce que vous proposez à l'harmonie nancéenne? On est très, très attaché à la variété des programmes. On a toute une rubrique notamment axée sur les musiques de films. On a un grand répertoire, beaucoup de partitions sur les musiques de films. Alors ça, c'était notamment Jean-Marc Illy, qui est un ancien directeur artistique de l'orchestre, qui nous avait beaucoup constitué toute une partothèque axée sur les musiques de films, cinéma français, cinéma européen, italien, américain, etc. Des fois, des films pas forcément très connus, et puis aussi des standards, des tubes. On a tout un répertoire aussi axé sur la pop, tout ce qui est pop musique, medley de chansons. On avait joué il y a quelques années des medley de chansons de Chuck Berry. On avait joué la chanson Oye Como Va, on avait joué tout ce type de répertoire qui effectivement sonne assez bien auprès du public, se transcrit assez bien pour orchestre. Avec Christophe depuis 2 ans, on a pris acte de ce programme, on continue à jouer ce type de répertoire et on a aussi proposé une direction un peu nouvelle aussi d'avoir des répertoires originalement écrits pour harmonie. C'est souvent un petit peu délaissé parfois dans les harmonies, c'est-à-dire les œuvres qui ont été spécialement écrites. Souvent, on joue des transcriptions qui ont été écrites pour orchestre symphonique. Et là, nous, on essaie aussi de trouver des morceaux qui sont spécialement écrits, qui sonnent très bien pour harmonie, sont intéressants à jouer. Il faut bien comprendre que les harmonies, des fois, on peut être vu comme un peu une sorte d'orchestre symphonique bis, où on n'a pas notre répertoire à nous. C'est faux, c'est totalement faux. Il y a plein de compositeurs qui écrivent justement pour ce type de formation. Et c'est ça qui est très, très intéressant. Donc, on essaie aussi de mettre un petit peu, d'ajouter un peu de ce répertoire, justement. Et donc, vous en entendrez dimanche. C'est le cas de la création de Louis Vallin. Il y aura 2 autres œuvres, notamment, qui sont spécifiquement écrites pour harmonie. Et donc ça, c'est très intéressant pour ça. Tout le monde peut s'y retrouver, en fait. Tout le monde peut s'y retrouver. Il y aura une création de musique contemporaine, des musiques qui sont pas forcément évidentes à entendre. Après, je pense que c'est des musiques sur lesquelles on fait de la pédagogie pour aussi comprendre quel était l'esprit du compositeur lorsqu'il a écrit ce genre de musique. Je pense que le public, me dira René, toi qui connais peut-être mieux que moi, si je me trompe, le public qui nous suit depuis longtemps, je pense qu'il est aussi avide de découvertes. Je pense qu'il a envie aussi qu'on ne fasse pas tout le temps la même chose, qu'on explore un petit peu des voies nouvelles. C'est ça qui permet à un orchestre de se renouveler et puis de durer 130 ans. Effectivement, on peut vous souhaiter encore de durer très très très très longtemps. Merci, on se le souhaite aussi. Eh bien, ce dimanche 24 mars, on vous invite à venir vivre le 130e anniversaire en musique salle Poirel à Nancy. C'est à partir de 15h30. Il n'est pas nécessaire donc de réserver sa place. L'entrée est totalement libre. Est-ce qu'on pourra échanger avec vous aussi, avec les musiciens à l'issue du concert et puis découvrir un peu l'harmonie nancéenne? Il y a un entracte qui est prévu, donc il y aura peut-être un contact entre les musiciens et public, puis sinon, de toute façon, après le concert, on fera certainement un pot au local de l'harmonie. Je suis sûr qu'il y aura de la place pour des invités. Voilà. Voilà, c'est peut-être l'occasion de trouver de nouveaux musiciens, en tout cas peut-être de créer des vocations pour l'harmonie nancéenne. Et on a aussi une autre date, le 13 avril, on peut peut-être en dire deux mots, ce sera à Saint-Dié-des-Vosges cette fois-ci. Avec un ancien chef de l'harmonie qui s'appelle Willy François et qui est maintenant directeur de l'école de musique de Saint-Dié-des-Vosges. Et il a invité un certain nombre de formations, dont l'harmonie nancéenne, pour participer à ce festival, mini-festival de Saint-Dié-des-Vosges. Pour le 13 avril. Le 13 avril. Et bien sûr, vous avez un site internet et sur les réseaux pour vous suivre. Un compte Instagram qui s'appelle Harmonie Nancéienne, tout simplement. Il y a un compte Facebook, facebook.com/harmonie-nancy, tout attaché et en minuscule. Et là, on tombe sur Facebook, bien sûr. Le contact harmonie-nancéienne@gmail.com. Ça, c'est pour l'adresse mail. Et on mettra toutes ces adresses avec le podcast de cet entretien. Je vous remercie beaucoup, Erwan Corbelaire et René Génin. Merci à Tristan aussi. Rendez-vous dimanche, 15h. Ça, c'est l'ouverture des portes, 15h30, le début du concert. Début du concert, 15h30, c'est ça. Ouais. Les portes seront ouvertes une bonne demi-heure avant. Parfait. Merci à vous. Merci à vous. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.